Le geste par Léon Frappier. Mademoiselle Sophie de Plugis était une vieille fille de 35 ans qui habitait rue Saint-Louis-en-Lille, un appartement agencé à la mode ancienne et où ses parents avaient vécu plus d'un demi-siècle. Elle était petite mais bien faite et gracieuse, avec ses traits fins, réguliers, ses purs yeux noirs. Elle aura même passé pour une jolie personne, si la couleur et l'animation n'avaient manqué à son visage empreint d'une sorte de gravité monastique. Elle passait sa vie à lire, à jouer du piano pour elle seule et surtout à coudre. Son père, ancien magistrat, homme glacial qui ne l'embrassait jamais, lui parlait peu et la regardait parfois avec courroux, lui avait signifié une volonté dernière à son lit de mort. « Tu demanderas ton admission au comité de protection des libérées repentantes, et en dehors de la cotisation annuelle, tu enverras de temps en temps un lot de vêtements à distribuer aux femmes les plus indigentes. Une robe décente est la chose la plus nécessaire à la malheureuse qui désire se régénérer par le travail. » Sophie avait compris que ses vêtements de charité, ses vêtements de sauvetage, pour qu'ils fussent des talismans, pour qu'ils eussent une influence sur le sort des pauvres repentis, elle devait les façonner pieusement de ses propres mains. Elle devait mettre dans l'étoffe un peu d'elle-même, un peu de sa vertu, de son honnêteté intime. D'avoir passé dans ses doigts appliqués, il gardait certainement une apparence, quelque chose de particulier, de doux, de protecteur, que ne pouvaient offrir des vêtements achetés forcément faits sans cœur. Un an après la mort de son père, elle dut consulter le médecin au sujet de vertiges fréquents qui lui causaient d'inquiétantes syncopes. Le régime ordonné consista principalement dans l'accomplissement obligatoire de longues promenades quotidiennes. Alors, Mademoiselle Sophie, n'ayant jusqu'à cette époque jamais franchi la zone restreinte où pouvaient se faire ses emplettes ménagères, se mit à découvrir Paris. Les beaux quartiers trop sillonnés d'automobiles lui donnèrent mal à la tête. Par contre, elle se prit d'affection pour les quartiers excentriques. Ce jour-là, vers 2 heures après-midi, elle passa devant la loge de la concierge. « Madame Bertrand, je serai de retour avant la nuit. N'oublie pas de monter préparer mon dîner. » Elle traversa la Seine, gagna la place de la Bastille, puis le faubourg Saint-Antoine. Et ma foi, au petit bonheur, la rue de Montreuil et la rue d'Avron la menèrent par là-haut, dans le fin fond de Charonne. Elle aimait les petites rues habitées par une population compacte, mais qui, dans le milieu de la journée, paraissait endormie, parce que les gens sont enfermés dans les ateliers et que les enfants sont à l'école. Les noms inscrits sur les plaques bleues de la voirie l'intéressèrent comme des désignations de localités sises à des centaines de lieues de Paris. Rue des Rasselins, rue des Orteaux, rue des Écuyers, rue des Réglisses. Çà et là, des apprentis en cours s'arrêtaient de siffler ou d'imiter le cri du chien écrasé pour la contempler avec curiosité. Elle leur faisait penser à une princesse d'image d'Épinal. Son accoutrement n'était pas ridicule, mais il ne révélait aucune profession ordinaire. Elle portait un chapeau tyrolien vert foncé à aigrette rousse, un mantelet à dentelle de couleur beige, et la guipure noire de ses manches couvrait à moitié ses gants blancs. Elle allait lentement, le visage levé, comme si elle cherchait des logements à louer. On était au mois de juin. Sur les rebords de fenêtres se voyaient des cages à serins et des pots à fleurs, et sur les appuis extérieurs s'étalaient des choses d'été, des camisoles claires, des chaussettes, des vestes de toile. Voilà que rue de l'Enclos, elle fut interpellée par une fillette blonde de 6 à 7 ans, ressemblant à un ange mal débarbouillé, qui se tenait planté devant l'allée d'une maison très délabrée. « Voulez-vous venir? Maman est pas rentrée, je peux pas allumer le feu et mes petits frères ont pas déjeuné. »« Comment ?» fit Mademoiselle Sophie atterrée. « Vous ne savez pas ce qu'est devenue votre maman ?»« Oh !» dit l'enfant d'un ton rassurant. « Vous savez, depuis quelque temps, elle avait l'idée d'aller nous chercher une petite sœur, sans doute qu'elle y est partie. » « Et votre papa ne revient que le soir ?» L'enfant, simplement, « Nous n'en avons pas. » Cette réponse, comme une garantie honnête, décida Mademoiselle Sophie. « Conduisez-moi, ma mignonne. » Dès la porte ouverte, le décor du logement pouvait s'inventorier d'un seul coup d'œil. Une table, des chaises, deux lits, une commode, un poêle devant la cheminée, des ustensiles de cuisine posés par terre et une quantité de nippes accrochées au mur. Les deux petits frères, Lily et Paul, assis devant la table, étaient occupés à lécher la toile cirée où ils retrouvaient des souvenirs de sauces anciennes. « C'est bon, » dit Lily en guise de solution. « Ça sent le lapin, mais il n'y en a pas assez. » Tout de suite, Mademoiselle Sophie remarqua sur la commode les pièces de layette destinées à un nouveau-né. Elle sourit. « Oui, c'est la petite sœur. » Et elle ajouta presque involontairement, « Je serai la marraine. » Le mot électrisa les enfants. Ils battirent des mains. « Marraine, marraine, bonjour, marraine !» Brusquement, un homme apparut sur le seuil de la chambre. C'était un agent de l'assistance publique venant chercher les enfants qui seraient placés administrativement pendant le séjour de la mère à l'hôpital. Ils se mirent à pousser des cris de terreur et à sangloter. « Nous ne voulons pas aller avec le monsieur, nous voulons rester avec ma reine !» Mademoiselle Sophie éprouva en effet ce sentiment immédiat qu'elle devait défendre ses innocents contre l'exil, la séparation, contre toutes sortes de tristesses injustes. « Ne peut-on les laisser ici » demanda-t-elle. « Dame, oui, si vous voulez vous installer auprès d'eux, » répondit l'homme d'un ton goguenard. « Eh bien, soit, je verrai à m'installer. » Mais l'homme ne se montra nullement satisfait. « Oh oh ! Une parole comme ça ne me suffit pas. Il faut que l'affaire soit sûre. Si vous habitiez dans la maison, parbleu, ça irait tout seul. Mais qu'est-ce qui prouve que vous vous chargerez vraiment de les garder ? Et il me faudrait quelque chose qui vous engage d'une façon certaine. » Mademoiselle Sophie demeura saisie, bouche ouverte. « Quoi ? Il fallait quelque chose qui fût l'équivalent d'un serment ? » Puis, bien vite, elle regarda autour d'elle et chercha le geste à faire. Car en sa qualité de fille de magistrat, elle savait la valeur d'un geste. Elle savait que l'engagement le plus solennel qui se puisse imaginer, celui qui en justice détruit même la force de la preuve écrite, consiste en un haussement de main dans l'espace. Et tout d'un coup, l'homme put s'en aller. Il certifierait en toute conscience que les enfants seraient gardés par une personne dont la sollicitude ne faillirait pas un seul instant. Jamais il n'avait emporté une si ferme certitude. En effet, Mademoiselle Sophie de Plugis, debout, avec son chapeau, son mantelet de princesse, ses manches à dentelle et ses gants, avait trouvé le geste noble, le geste sacré, le geste qui engage la majesté humaine. Elle avait saisi un vieux tablier de cuisine sale et déchiré, et l'avait bravement attaché devant elle. C'était Le Geste, par Léon Frappier.